إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on finit donc cette conférence par ce dernier cours, inshallah, qui est le dernier cours des 10 règles dans la droiture de Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah Ta'ala. Et on est arrivé à la quatrième règle, on avait déjà entamé cette règle, et le Cheikh dit: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة. Et la quatrième règle, c'était concernant le fait que ce qui est voulu dans l'istiqama, c'est quoi? C'est l'exactitude, as-sadad, et si on ne peut pas, eh bien c'est de s'en rapprocher. Et donc il dit le Cheikh: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة كما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية الإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a informé que les gens ne sont pas capables d'être complètement sur la droiture. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed et Ibn Majah, d'après le hadith de Thauban, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Et le hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Irwa al-Ghalil, numéro 412. Dans une autre version de ce hadith rapporté par l'imam Ahmed: atteignez l'exactitude, ou rapprochez-vous-en, et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Il est rapporté par Ahmed dans son Musnad, hadith numéro 22432. Et dans les deux authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: atteignez l'exactitude, encore une fois, ou quoi, ou rapprochez-vous-en. Et c'est rapporté par le Bukhari numéro 6463 et Muslim numéro 2816. Et Cheikh, il explique un peu cela maintenant. Il dit: فالسداد هو حقيقة الاستقامة هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى وقال له: أذكر بالسداد تسديد السهم وبالهدى هدايتك الطريق والمقاربة أن يصيب ما يقرب من الغرض إن لم يصب الغرض نفسه. Toujours dans cette exactitude, dans ce rapprochement, as-sadad wal-muqaraba, il dit le sens de cela. Donc il explique: cherchez l'exactitude et à atteindre l'objectif et la droiture. Vous devez chercher l'exactitude et à atteindre, l'objectif et la droiture. Car s'ils atteignaient l'exactitude dans toutes leurs actions, ils auraient mis en application tout ce qui leur a été commandé de faire. Ou plutôt ici, un petit passage que j'ai manqué ici. Cheikh dit: l'exactitude est donc la réalité de la droiture, l'istiqama. Et c'est d'atteindre le but dans toutes les paroles, et toutes les actions, et toutes les intentions. Les paroles, les actions et les intentions. Comme celui qui vise un objectif et l'atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali, qu'elle a l'agré, de demander à Allah l'exactitude et la guidance. Et lui a dit: pense quant à la guidance, à ta guidance vers la voie, et quant à l'exactitude de ta flèche. Et c'est rapporté par Muslim, comme on l'a déjà vu précédemment, on a déjà cité ce hadith. Maintenant, il dit: se rapprocher, c'est se rapprocher de l'objectif. S'il n'atteint pas l'objectif lui-même, mais avec une condition. ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي، ابن حزن الكلفي: يا أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. Maintenant, il y a une condition, et j'avais déjà un peu indiqué cela hier, c'est pas le fait de chercher juste à se rapprocher, non. Toi, tu cherches l'exactitude, c'est ça que tu cherches. Mais si tu n'en es pas capable, au moins tu t'en seras rapproché. Il dit, se rapprocher, c'est se rapprocher de l'objectif, s'il n'atteint pas l'objectif lui-même, mais, vous voyez un mais ici, mais avec une condition, c'est qu'il soit persévérant dans sa volonté d'exactitude et d'atteindre l'objectif. Ou bien et d'atteindre de l'objectif. Son rapprochement n'est donc pas intentionnel. Le fait que tu te rapproches et que tu n'atteignes pas l'exactitude elle-même, ce n'est pas intentionnel de ta part. Parce que toi, tu as cherché l'exactitude. Et ceci est indiqué par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Al-Hakim ibn Haznin al-Kulafiyyu, aux gens, vous ne ferez pas et n'êtes pas capable de faire tout ce que je vous ai ordonné de faire. Mais atteignez l'exactitude et réjouissez-vous. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil, numéro 616. Le sens de cela est chercher l'exactitude et atteindre l'objectif et la droiture, car s'ils atteignaient l'exactitude dans toutes leurs actions, ils auraient mis en application tout ce qu'il leur était commandé de faire. Et là, maintenant, on a fini la citation d'Ibn Rajab, parce qu'on était depuis tout à l'heure dans la citation d'Ibn Rajab, rahimahullah, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, volume 1, page 510 et 511. Maintenant, après la quatrième règle, et peut-être qu'il conviendrait ou il convient qu'on rappelle déjà ces règles qu'on a vues. Mais la première règle, c'était Al-Istiqama est un bienfait divin et un don du Seigneur. Et on avait dit que donc il faut demander à Allah Azza wa Jal l'Istiqama, il faut demander à Allah Azza wa Jal la guidance. Et c'est Allah qui détient la guidance et il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est la réalité de l'Istiqama et l'attachement à la voie droite et au droit chemin. Et on avait rapporté des paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis à ce sujet. La troisième règle, la base à l'istiqama est la droiture du cœur. On a vu que le cœur était comme le roi et que les autres membres étaient les soldats qui le suivent. La deuxième, l'attachement à la voie droite et au droit chemin, c'est ça. Et pour être plus précis, la réalité de l'istiqama, l'uzum al-manhaj al-qawim wa sirat al-mustaqim. Troisième, ou plutôt quatrième, après le cœur, hein, c'est quoi? Voilà, c'est la droiture demandée du serviteur, c'est l'exactitude dans la droiture. Et s'il n'en est pas capable, alors qu'il s'en rapproche. Et on avait dit que c'est avec une condition, c'est quoi? C'est qu'il persévère et soit constant et cherche l'exactitude. Et s'il n'atteint pas, eh bien, au moins il s'en sera rapproché. Cinquième règle. Al-istiqama tata'allaqu bil-aqwali wal-af'ali wal-niyat. C'est ce qu'on avait dit il y a un instant d'ailleurs. فالاستقامة المطلوبة من العبد استقامة في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات بمعنى أن أقوال العبد وجوارحه وقلبه ينبغي أن تكون كلها ماضية عن الاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وفي المسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. C'est le hadith on avait déjà cité, mais là on le termine, on continue dans ce hadith. C'est donc quoi cette cinquième règle? Al-istiqama est liée aux paroles et aux actions et aux intentions. La droiture qui est voulue du serviteur, c'est la droiture dans les paroles et les actions et les intentions. Le sens de cela est que les paroles du serviteur et ses membres et son cœur doivent tous accomplir la droiture. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son livre Madarij al-Salikin, volume 1, page 105: Al-Istiqama est liée aux paroles et aux actions et aux situations et aux intentions. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad d'après le hadith d'Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit, et son cœur ne sera droit que quand sa langue sera droite. Dire, on avait, on s'est arrêté au cœur. Là, maintenant, on a continué le hadith. Et son cœur ne sera droit que quand sa langue sera droite. Ibn Rajab, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? وقال ابن رجب رحمه الله وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه ويلاحظ هنا خطورة القلب واللسان على العبد في باب الاستقامة أو الجنوح عنها ابن رجب il a dit رحمه الله la chose la plus importante après le cœur parmi les membres dont on doit surveiller la droiture c'est la langue car elle est l'interprète du cœur Et celle qui s'exprime pour lui. Voir Jamil Ulum al-Hikam de Ibn Rajab, page 386. Et cher, il fait une mise en garde ici. Il dit, il faut faire attention ici au danger du cœur et de la langue pour le serviteur en ce qui concerne l'istiqama ou d'en dévier. C'est-à-dire la droiture ou d'en dévier. وفي هذا المعنى قال بعض أهل العلم المرء بأصغري قلبه ولسانه. Et dans ce sens, certains parmi les gens de science ont dit, l'individu Et par ces deux plus petits. Vous voyez le cœur, on a dit hier, c'est un petit bout de chair. La langue, encore plus petit. Et ils ont dit l'individu est par ces deux plus petits, son cœur et sa langue. فالقلب واللسان كلاهما مضغة صغيرة جدا إلا أن جوارح العبد كلها تبع لهما إذا استقام القلب واستقام اللسان استقامت الجوارح. ودليل الأول أي القلب حديث النعمان بن بشير السابق ولا جاسيتيز حديث. ذكرناه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ودليل الثاني أي اللسان ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فَنِسْتَقَمْتَ إِسْتَقَمْنَا وَإِنِ عْوَجَجْتَ إِعْوَجَجْنَا Le cœur et la langue sont donc tous deux un très petit bout de chair. Mais tous les membres du corps du serviteur les suivent. Si le cœur et la langue sont droits, alors les membres le sont aussi. La preuve pour le premier, c'est-à-dire le cœur, est le hadith de Nu'man ibn Bashir, Kalalagré, qu'on a cité précédemment. Il y a dans le corps un bout de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Et la preuve du deuxième, c'est-à-dire quoi? La langue. C'est ce qu'a rapporté à Tirmidhi après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam s'éveille le matin, tous ses membres se font humbles devant la langue et lui disent, crains Allah en ce qui nous concerne. Car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits. Et si tu es tordu, nous serons tordus. Cheikh dit, « Fada istakama al-qalbu istakamat al-jawarih. Wada istakama al-lisan istakamat al-jawarih. Wal-lisan turjamanu al-qalb. Wa khalifatuhu fi zahiri al-badan. Fa'idha asnad al-qalbu ila al-lisan al-amra naffada. Fal-lisanu tabi'un lil-qalbi. Wal-jawarihu tabi'atun lahuma. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يعنى بصلاح قلبه وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يصلح قلبه وأن يذهب عنه أمراض القلوب وأسقامها وأدواءها وسخائمها ثم يعمل على إصلاح لسانه بالأقوال الزاكيات وجوارحه بالأعمال الصالحات Donc si le cœur est droit, les membres le sont aussi. Et si la langue est droite, les membres sont droits. Et la langue est l'interprète du cœur et son lieutenant dans ce qui est apparent du corps. Si le cœur délègue l'affaire à la langue, elle l'exécute. La langue est donc dépendante du cœur et les membres sont dépendants des deux, du cœur et de la langue. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans de donner de l'importance à la piété, comme salam, de son cœur et de demander à son Seigneur de lui réformer son cœur et de lui enlever les maladies du cœur et ses maux et ses haines et ses défauts. Puis ensuite, il lui est aussi obligatoire de travailler à réformer sa langue en disant des paroles pures et ses membres en accomplissant des œuvres pieuses. Donc vous avez compris cette quatrième règle, hein? Cette cinquième plutôt, qui quoi, qui? C'est quoi la cinquième règle? C'est quoi le titre qu'on a dit? Par rapport à quoi? Mais le titre de la règle, c'est quoi? Voilà, c'est ça. L'istikhama, elle est dans, qui est demandée, elle est demandée dans les paroles, les actions et les intentions. C'est pour ça les intentions, c'est le cœur, ça, oh là là. Hein? Et les paroles, la langue, et les actions, c'est les membres. La sixième règle, al-qaida as-sadisa, la takun istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. La takun istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Awwala lillah, ay khalisa, bima'na an yastaqima al-'abd wa an yalzama sirat Allah al-mustaqim, mukhlisan bidhalika al-amra lillah 'azza wa jalla. طالبا به ثوابه ورضاه قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاستقامه la sixième règle, la droiture n'est vouée que pour Allah, elle ne peut être accomplie qu'avec l'aide d'Allah et sur l'ordre d'Allah. On va expliquer ça point par point. Donc il y a trois choses ici, c'est quoi? Pour Allah, avec l'aide d'Allah, sur l'ordre d'Allah. Trois choses, d'accord? Première chose, pour Allah, c'est-à-dire que ce soit sincère. C'est-à-dire que le serviteur soit droit et qu'il s'attache au droit chemin d'Allah sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, cherchant à obtenir par cela sa récompense et sa satisfaction, subhanahu. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyinah, verset 5. Maintenant, la deuxième, c'est quoi? Avec l'aide d'Allah, billah. Wa billah, ay musta'inan ala tahqiqaha wal qiyam biha wa thabati alayha. بالله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه سورة هود إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة وفي الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. Deuxième point après pour Allah, c'est avec l'aide d'Allah. Avec l'aide d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire demandant l'aide d'Allah pour la réaliser et s'en acquitter, et pour rester ferme sur la droiture. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, adore-le donc, et place ta confiance en lui. Surat Hud, verset 123. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ne peux pas adorer Allah si tu n'as pas l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Surat al-Fatiha, verset 5. Dans le hadith authentique, désire ardemment ce qui t'est bénéfique et demande l'aide à Allah. Rapporté par Muslim, 2664, d'après le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Maintenant, après pour Allah, et après avec l'aide d'Allah, c'est quoi? Sur l'ordre d'Allah, ala amrillah. Wa ala amrillah, ay an yasira fi istiqamatihi ala al-nahj al-qawim. والصراط المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به كما قال تعالى فاستقم كما أمرت. وقد سبق ذكر بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذا المعنى كقول ابن عباس في قوله ثم استقاموا استقاموا في أداء الفرائض. وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وأمر الله وأمر الله وشرعه الذي بعث به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'ordre d'Allah? C'est-à-dire qu'il soit dans sa droiture, sur la voie droite et le droit chemin qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de prendre. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, puis qu'ils se tiennent droit, c'est-à-dire se tiennent droit dans l'acquittement de leurs obligations. Et le Hassan, il a dit, rahimahullah, qu'ils se tiennent droit sur l'ordre d'Allah et pratiquent son obéissance et s'écartent de sa désobéissance. Et l'ordre d'Allah, c'est sa religion avec laquelle il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit quoi pour cette sixième règle qu'on a fini maintenant? C'est que l'istiqama, elle est pour Allah, sincère pour Allah, avec l'aide d'Allah et sur l'ordre d'Allah, c'est-à-dire l'amr d'Allah azza wa jal, comme il a dit, l'ordre d'Allah c'est sa religion avec laquelle il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septième règle, ala al-abdi mahma istaqama an la yattakila ala amalih. على العبد مهما استقام أن لا يتكل على عمله. Que le serviteur, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. Quelle que soit ta droiture, cher frère en Allah, comme droit tu es, ne compte pas sur tes propres actions. Cheikh il dit, والواجب على العبد أن لا يتكل على عمله مهما صلح واستقام ولا يغتر بعبادته ولا بكثرة ذكره لله ولا بغير ذلك من الطاعات وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والمطلوب من العبد استقامته هي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. Cheikh, il dit, c'est important de comprendre ça, c'est un point très très important. Ce qui est obligatoire au serviteur, c'est de ne pas compter sur ses propres actions, quel que soit son niveau de bonté et de droiture, et de ne pas se laisser berner par sa propre adoration, ni par sa quantité d'invocation, ni quoi que ce soit d'autre parmi les actes d'obéissance. Et dans ce sens, Ibn Qayyim, il a dit une superbe parole qui est, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: ce qui est demandé au serviteur, c'est la droiture qui est l'exactitude. On a déjà parlé, on a fait référence à ça dans une des règles. Et s'il n'en est pas capable, c'est de s'en rapprocher. Et s'il renonce à cela, alors c'est la négligence et la perte. Comme cela a été rapporté dans les deux authentiques, d'après le hadith de Aïcha Kalalagré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Nul n'entrera au paradis par ses actions. Il dit: ni même toi, ô messager d'Allah. Il répondit: ni même moi, sauf si Allah me couvre de pardon et de miséricorde. Cheikh il dit: فَجَمْعَ فِي الْحَدِيثِ فِي هَدَ الْحَدِيثِ مَقَامَاتِ الدِّينِ كُلِّهَا فَأَمَرَ بِالْاِسْتِقَامَةِ وَيَسَّدَادِ وَالْإِصَابَةِ فِي النِّيَّاتِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَأَخْبَرَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ أي استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أنهم لن يطيقونها فنقلوا من المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. انظر مدارج السالكين المجلد الثاني الصفحة الخامسة بعد المئة. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Et ça, c'est un point qui a une grande importance. Eh bien, c'est que ce hadith regroupe donc tous les degrés de la religion. Il a commandé la droiture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'exactitude, et le fait d'atteindre l'objectif, on a dit dans quoi? Dans les intentions, les paroles et les actions. Et il a informé dans le hadith de Thauban, c'est-à-dire: soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, qu'ils n'en seront pas capables. Ils les ont donc orientés à s'en rapprocher. Et c'est de se rapprocher de la droiture en fonction de leur capacité. Et en plus, il les a informés que la droiture, l'istiqama, et le rapprochement, al-muqaraba, ne sauvent pas la personne le jour du jugement dernier. Que personne ne se fie donc à ses actions et n'en soit infatué, soit imbu de sa propre personne. Il dit: khalas, moi, j'ai beaucoup de bonnes actions, etc. D'accord ? C'est ça que ça veut dire ici. Et qu'il ne pense pas qu'elles vont le sauver. Le salut n'est que par la miséricorde d'Allah et son pardon et sa grâce. Voir Madarij Salikin d'Ibn Qayyim, volume 2, page 105. La huitième règle. La septième règle, c'était quoi? Qaidat Sabia. Voilà, ne pas se laisser berner par les actes. Ou comme on l'a dit, nous, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que le serviteur, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. La huitième règle. ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة يوم القيامة من هدي في الدنيا إلى صراط الله المستقيم هدي في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم فيوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة ويؤمر الناس بالمرور عليه ويتفاوتون في مرورهم عليه تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا. Encore une fois, grande importance ici. Huitième règle. Le fruit de la droiture, maintenant c'est les fruits. Après avoir des règles sur la droiture et la réalité de la droiture, et qu'est-ce que c'est la droiture et les conditions de la droiture, etc. Le fruit de la droiture dans ce bas monde est la droiture sur le chemin le jour du jugement dernier. Celui qui a été guidé dans le bas monde vers le droit chemin d'Allah sera guidé dans l'au-delà vers le droit chemin érigé au-dessus de l'enfer. Le jour du jugement dernier, un chemin est érigé, un sirat, au-dessus de l'enfer, plus aiguisé que le sabre et plus fin que le cheveu. L'ordre sera donné aux gens d'y passer. Ils seront différents dans la manière de passer sur ce chemin, comme ils diffèrent dans leurs actions et leur droiture sur le droit chemin d'Allah dans ce bas monde. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم يمر كالطرف ومنهم يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبوا ومنهم مخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سورة النمل. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? C'est une parole d'Ibn Qayyim encore une fois, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, celui donc qui est guidé dans ce bas monde vers le droit chemin d'Allah, avec lequel il a envoyé ses messagers et révélé ses livres, sera guidé là-bas, c'est-à-dire où? Dans l'autre monde, vers le chemin droit qui amène à son paradis et à la demeure de sa récompense. En fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin qu'Allah a érigé pour ses serviteurs dans ce monde, sera l'affermissement de son pied sur le chemin érigé au-dessus de l'enfer. Et en fonction de son avancement sur ce chemin-ci, dans ce bas monde, sera son avancement sur ce chemin-là, dans l'au-delà. Certains y passeront comme l'éclair, d'autres comme un clin d'œil, d'autres encore comme le vent, d'autres comme un chameau, d'autres en courant, d'autres en marchant, et d'autres encore en rampant. Certains parmi eux seront sauvés mais égratignés. On va voir pourquoi, Inch'Allah. D'autres jetés en enfer. Que le serviteur voit son passage sur ce chemin-là, dans l'au-delà, en fonction de son passage sur celui-ci, dans ce bas monde. Comme se ressemblent les plumes d'une flèche, et ce, comme rétribution équitable. Et puis, c'était un verset du Coran, par rapport à cette rétribution équitable, il dit, ce verset dont la traduction du sens est, « N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez ?» Surat Naml, verset 90. Et maintenant, une mise en garde. Et ça, je faisais référence à ça par rapport à hier. On a parlé du Sirat al-Mustaqim. Il n'y a pas d'embûche? Il n'y a pas des gens qui appellent à l'égarement? Il n'y a pas des risques de partir à droite ou à gauche? Bien sûr. Il n'y a pas des shubuhat et des shahawat? C'est ce qu'il veut dire le shir ici. وَلْيَنْضُرْ أَشْشُبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ اللَّتِ تَعُقُوا عَنْ سَيْرِهِ عَلَى هَذَا السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّ الْكَلَالِيبِ التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوق على المرور عليه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد. J'ai dit, et qu'il prenne garde à quoi? Aux ambiguïtés et aux passions qui l'empêchent d'aller sur ce droit chemin, car les crochets qui sont des deux côtés de ce droit chemin le happent et l'empêchent de passer dessus. Ils sont nombreux et forts ici. Eh bien, il y en a là-bas aussi. Il y a aussi des crochets. Hein? Ici, dans cette dunya, c'est quoi? Les shubuhat ou shahawat, qui essaient de te happer, de te tirer du sirat mustaqim. Les passions, les shubuhat. Tant qu'on entend des shubuhat, des gens de l'innovation, hein? Et des gens de l'égarement, tu t'écartes des shubuhat. Tu t'écartes des shubuhat plus que tu t'écartes de la peste. Parce que comme on l'a dit hier, hein, la peste, elle affecte les corps, tandis que les shubuhat, elles t'affectent ton cœur. Inna shubuhat khattafa. Hein? Elles te prennent vite, elles te avitent les shubuhat. Et toi, tu crois que c'est la vérité. Parce qu'elles ressemblent peut-être à la vérité dans la manière dont tu la présentes, dont tu l'embellis. Mais l'adou billah, t'as le harif an al-jadda. T'as le harif an sirat al-mustaqim. Et on cherche refuge en Allah contre cela, tu dévies de la voie d'Allah. Et comme on a dit, il y a les shubuhat et les shahawat. Il y a les passions qui peuvent te tirer, mais aussi les shubuhat. Toi, tu peux être, par exemple, d'une compréhension fausse de la religion, une méthodologie correcte, incorrecte, une secte égarée, un groupe innové. Et toi, tu crois que c'est sur le haq. Wal'adhu billah. Alors que tu t'égares et tu sais de la voix d'Allah, Azza wa Jal. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate Fussilat, verset 46. Maintenant, on a fini la citation de Bilqayyim Rahimahullah dans Madarij Salikin, volume 1, page 10. Et puis le cheikh, il conclut cette huitième règle en disant une chose très belle et très importante: Man kana fi hadhihi al-hayat ad-dunya taqtafu ash-shubuhat wash-shahawat 'an sirat Allah al-mustaqim 'an sirat al-mustaqim فستخطفه الكلاليب التي على جنبتيه الصراط يوم القيامة مثل ما تخطفه الشبهات والشهوات في الدنيا. وله كلام آخر قريب من هذا في كتابه الجواب الكافي. Celui qui est happé dans la vie de ce bas monde par les ambiguïtés et les passions qui l'éloignent du droit chemin sera happé par les crochets qui sont des deux côtés du chemin le jour du jugement dernier. Comme le happent les ambiguïtés et les passions dans ce bas monde. Il a aussi une parole similaire à celle-ci dans son livre Al-Jawab al-Kafi, c'est-à-dire la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, page 123. Neuvième règle, après la huitième règle, c'est quoi? C'est quoi la huitième règle? Les fruits de la nature, c'est quoi? C'est-à-dire que celui qui est ferme dans ce droit chemin, dans ce bas monde, il sera ferme dans le chemin sur dans l'au-delà, hein? Le chemin qui est au-dessus de quoi? De l'enfer. القاعدة التاسعة لنبي مغرب الموانع من الاستقامة شبهات الضلال أو شهوات الغي من هي دي شوز كي تنبج سور الاستقامة ما va voir ça inshallah دي لي شوز كي empêche et c'est cette neuvième règle d'être sur la droiture sont les ambiguïtés de l'égarement ou les désirs des péchés شيخ لي فالشبهات والشهوات قواطع وموانع صادة عن الاستقامة والسائر على الصراط الله المستقيم يمر في سيره باستمرار بشبهات وشهوات تصرفه وتحرفه عن صراط المستقيم عن صراط الله المستقيم فكل من ينحرف عن الاستقامة إما أن ينحرف عنها بشهوة أو بشبهة والشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم الشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي سورة الأنعام verset 153. Les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions. Et on le voit. Vous le voyez, non? Hein? Toi, tu avances, tu essaies d'avancer sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Sur le chemin de droiture, hein? Sur la voie qu'a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous, et nous a laissé, et que nous a transmis ses compagnons, radiallahu anhu ardaoum, et que nous ont compris, transmis génération en génération, hein? As-suqat, parmi les ulama, les gens de confiance, dignes de confiance, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à nos ulama contemporains. Toi, tu essaies de t'accrocher, mais il y a des choses qui essaient de te tirer de, hein? de cette voie, hein? De la voie d'Ahl Sunnah. De la voix des gens de la sunna du consensus, de la voix des salafis qui s'attachent à la voix des plus prédécesseurs, de la voix des gens du hadith, la voix du groupe sauvé, la voix de, hein, du groupe victorieux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. On essaie de te tirer. Les shubuhat, les shahawat, les shubuhat, les shahawat, les ambiguïtés, les passions, hein, accroche-toi. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de cours, pour savoir, pour être conscient de cela, essayer de s'accrocher et avoir des outils, des armes pour s'accrocher. Et tenir le coup. Le cheikh il dit, les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions qui le détournent et le font dévier du droit chemin d'Allah. Toute personne qui dévie de la droiture, c'est à cause d'une ambiguïté ou d'une passion. La passion est une corruption dans l'action et l'ambiguïté est une corruption dans la science. Retenez cette parole, elle est forte. Elle est, hein, elle est judicieuse, elle est précise. On a dit quoi? L'ambiguïté, c'est... Non, on va commencer par la passion. La passion est une corruption de quoi? De l'action. Fasadun fil amal. Et l'ambiguïté est une corruption dans la science. La traduction du sens de la parole d'Allah dit... Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Sourate Al-An'am, verset 153. Alors écoutez ce hadith maintenant. On a déjà parlé. Vous comprenez le hadith du trait que le prophète Hassan l'a tracé? Mais maintenant on va l'expliquer, inshallah, bien. Bidnillah. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى الآخر الآية يعني ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون شيخ الدي والشيطان الذي يدعو إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم دعوته إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم إما بشبهة أو بشهوة Ici, il dit qu'il est rapporté dans le hadith d'Abd ibn Mas'ud. C'est qui rapporte le hadith? Abdullah ibn Mas'ud. Vous connaissez ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah ibn Mas'ud. On est d'accord. Grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté ce hadith dans le musnad de l'imam Ahmed. Donc c'est qui le savant du hadith qu'il a rapporté? L'imam Ahmed. Numéro 4142. Qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne, puis a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il traça ensuite des lignes à sa droite et à sa gauche. Puis il dit, ce sont des sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un démon qui y appelle. Puis il récita le verset, dont la traduction du sens est, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et je viens de me rappeler une faïda que j'avais écoutée dans une cassette de Cheikh Al-Albani, rahimahoullah. Il y a quelqu'un qui s'est dit, Cheikh, mais la voie elle est longue, etc. Et il y a des voies qui sont plus courtes, etc. Cheikh Al-Albani, mais elles n'arrivent pas au but. Elle n'arrive pas au but. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et ce démon qui appelle à dévier du droit chemin d'Allah, son appel à dévier du droit chemin d'Allah se fait soit au moyen d'une ambiguïté ou d'une passion. Et écoutez cette parole ici. فَإِذَا رَأَ فِيهِ التَّفْرِيطِ حَبَّبَ إِلَيْهِ الشَّهَوَاتِ وَإِذَا رَأَ عَلَيْهِ الْحِرْصِ وَالْمُحَافَظَةِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشُّبُهَاتِ كما قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر S'il voit à la personne laxisme, le démon, s'il voit à la personne laxisme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait aimer les passions. Et s'il voit en elle une ardeur et une préservation, il lui fait entrer en elle les ambiguïtés. Et il regarde comment la personne elle est. Comme l'un des plus prédécesseurs l'a dit, comme a qala ba'du salaf, Allah n'a pas ordonné une chose sans que Satan ait quant à cette chose deux incitations, soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération, et il ne se soucie pas duquel il a obtenu. C'est pour ça que la salafia, la voix des gens de la sunna, c'est la voix du juste milieu, entre le laxisme et l'extrémisme. Nous en faisons de vous une communauté du juste milieu. Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَدْ اِقْتَطَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا أَقَلِ الْقَلِيلِ فِي هَدَيْنِ الْوَادِيَيْنِ وَادِي التَّقْصِيرِ وَوَادِي الْمُجَاوَزَ وَالتَّعَدِّي وَالْقَلِيلِ مِنْهُمْ جِدَّا الثَّابِتَ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ نَسْتَحْضِرَ مَثَلًا بَدِيعًا عَظِيمًا وَهِيَ فِي غَايَةِ النَّفْعِ Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, la majorité des gens, sauf un très petit nombre de gens, vous avez entendu cette parole, sauf un très petit nombre de gens se sont égarés dans une de ces deux voies, la voie de la négligence et la voie de l'excès et de l'abus. Très peu d'entre eux, les gens, sont fermes sur le chemin sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Nous demandons que nous fassions partie de ces gens-là. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Voir Iratatul Lahfan d'Ibn Qayyim, volume 1, page 136. Et Cheikh dit, il convient ici qu'on rappelle une parabole magnifique et très importante et qui est extrêmement bénéfique. Thabata fil Musnad wa Tirmidhi wa ghayrihima min hadith an-Nawas ibn Sam'an 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala daraballahu mathalan siratan mustaqima wa 'ala janbatay sirat suran fihima abwabun mufattaha wa 'ala al-abwabi suturun murkhah وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الشيخ a donné un hadith qui est magnifique, qui illustre bien la chose. Cheikh il dit, il a été rapporté de manière authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans At-Tirmidhi et d'autres livres, d'après le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, Allah a donné en parabole, en exemple, une voie droite. Il y a à chacun de ces deux côtés un mur. Il y a dans ces deux murs des portes ouvertes. À leur porte, il y a des voiles abaissées, des voiles abaissées. Et à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et dit, oh gens, rentrez tous dans le chemin et ne déviez pas. Il y a un autre au-dessus du chemin qui les appelle, qui appelle et qui dit, si quelqu'un veut ouvrir une de ces portes, il lui dit, malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Maintenant, le prophète s'est expliqué cette parabole. Le chemin, c'est l'islam. Et les deux murs sont les limites d'Allah Azzawajal. Et les portes ouvertes sont les interdictions d'Allah. Celui qui appelle à la tête du chemin est le livre d'Allah. Et celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Chaque musulman, il a un prêcheur dans son cœur. Wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Rapporté par Ahmed, numéro 17634, et Tirmidhi, 2859, et Al-Hakim, volume 1, page 144. Il est authentifié par Al-Hakim, et l'imam Al-Dahabi, rahimahullah, il était d'accord avec lui. Et ce hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Jami', numéro 3887. شغل فتصور المثل ينفعك الله به ضرب الله مثلا صراطا مستقيما من الشيخ فيكسبيكي سحديث وعلى جنبتي الصراط صوران جداران تمشي في طريق مستقيم على يمينك جدار وعن يسارك جدار وفي الجدارين أبواب كثيرة تمر بها عن يمينك وعن يسارك وهذه الأبواب عليها سطور مرخاة وأنت تعلم أن الباب الذي عليه ستارة ليس كالباب الذي عليه أبواب ومفاتيح فالباب الذي عليه ستارة تدخله بلا كلفة فلا يعوق لا يعوقك عن الدخول شيء والمسلم المستقيم إذا أرادت نفسه أن تدخل في شهوة يجد أن قلبه ينقبض ويلفظها ولا يجد راحة ولا اطمأنينة فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم والشاهد من هذا الحديث أن على جنبة الطريق الاستقامة أبواب تخرج الإنسان من طريق الاستقامة وهذه الأبواب ترجع في الجملة إلى أمرين إما شبهات أو شهوات وخروج العبد عن الاستقامة إما بشبهة أو شهوة. الشيخ explique maintenant ce hadith. Il dit, représente-toi bien cette parabole qu'Allah t'en fasse bénéficier. Allah a donné en parabole un chemin droit. Et à chacun de ces deux côtés, un mur. Tu vois, tu vas sur un chemin droit avec à ta droite un mur et à ta gauche un mur. Et dans les deux murs, beaucoup de portes. Tu passes, il y a ton côté droit, il y a ton côté gauche, il y a des portes, si vous voulez des entrées, où il y a des voiles abaissées. Et toi, tu sais que l'entrée où il y a un voile n'est pas comme l'entrée où il y a des portes et des clés. Car l'entrée où il n'y a qu'un voile, tu y entres sans aucun effort. Et rien ne t'empêche d'entrer. Le musulman droit, lorsque son âme veut entrer dans une passion, il trouve que son cœur se crispe. Hein? Son cœur, il se crispe. Et la rejette. Et il ne trouve ni repos ni apaisement. Ceci est le prêcheur dans le cœur de chaque musulman. Cheikh dit, le témoin argumentatif de ce hadith, c'est qu'il y a sur les deux côtés du chemin de droiture des portes qui font sortir la personne de la droiture. Et ces portes reviennent de manière générale à deux choses, soit des ambiguïtés, soit des passions. Et le fait que les serviteurs sortent de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté, soit à cause d'une passion. قال ابن القيم رحمه الله وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس من فوقه إلى الجنة ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهة الضلال والشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه، والمعصوم من عصمه الله. ابن القيم كيس كي لدي رحمه الله؟ الله a érigé le pont sur lequel passent les gens vers le paradis et a érigé à ses côtés des crochets qui happent les gens en fonction de leurs actions. Il en est de même pour les crochets du faux. On a vu que, hein, qu'il y en a que certains qui sont égratignés mais qui seront saufs, et d'autres qui seront quoi? Jetés en enfer. Les ambiguïtés de l'égarement et les passions des péchés empêchent ceux qui les commettent d'être droits sur le chemin des vérités et d'y cheminer, et celui qui est préservé est celui qu'Allah a préservé. Voir As-Sawa'iq al-Mursalah, volume 4, page 1256. والعبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الهداية ليسلم له سيره، وهما الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، أو أخذ الماء من مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا. فهذه هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق في هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. Et ça, c'est un truc, c'est un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. On a parlé de la guidance vers le droit chemin, c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est suffisant? Non. Et on va le voir ça maintenant. Le serviteur a besoin à ce sujet de deux genres de guidance afin d'être sauf dans ce cheminement. La guidance vers le droit chemin et la guidance sur le droit chemin. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit: la guidance vers le chemin est une chose et la guidance dans le chemin lui-même est une autre chose. Ne vois-tu pas, regardez l'exemple qu'il donne Ibn Qayyim. Ne vois-tu pas que l'homme sait que le chemin pour tel pays est tel et tel chemin? Mais il ne sait pas prendre ce chemin car son cheminement a besoin d'une guidance spécifique dans le cheminement lui-même. Comme le fait de cheminer à telle heure et pas à telle heure, et prendre de l'eau dans tel refuge, à telle distance, et s'arrêter à tel endroit, mais pas à tel endroit. Ceci est donc une guidance dans le cheminement lui-même, dont il se peut que celui qui sait que c'est le chemin la néglige, cette guidance, et donc se perd et se détourne du but. Vous voyez pas quand vous allez au bled, tout le monde connaît la route par le bled, mais ce que tu connais, les, hein, par où passer, quand passer, comment passer, etc., ça demande encore une autre guidance spécifique. C'est vrai ou pas, hein? Sinon tu risques de pas y arriver. Cher, dit voir la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, page 9. Al-Qa'idat al-Ashira, c'était quoi la 9e règle? C'est-à-dire qu'il y a des empêchements, des choses qui t'empêchent, des entraves, des obstacles de rester sur le droit chemin. La droiture, c'est quoi donc? Les ambiguïtés et les passions. Les désirs des péchés ou les passions, d'accord? 10e règle et la dernière de cette conférence: التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة. وتشبه بهم راجع إلى نوعين من الفساد، إما فساد العلم أو فساد العمل. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفساد اليهود من جهة العمل، وفساد النصارى من جهة العلم. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. فالفساد الذي يكون في هذا الباب إما بمشابهة لليهود بأن يكون عند الإنسان علم لا يعمل به، أو بمشابهة للنصارى بأن يعمل بلا علم ولا بصيرة. La dixième règle, c'est l'imitation des mécréants, fait partie des causes les plus importantes qui détournent de la droiture. Les imiter revient à deux genres de corruption, soit la corruption de la science, soit la corruption de l'action. Et médite ce sens dans la parole d'Allah, dont la traduction du sens est: guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Surat al-Fatiha, versets 6 et 7. La corruption des Yahoud est sous le rapport de la mise en pratique. Et la corruption des Nasara est sous le rapport de la science. Les Yahoud savaient mais n'ont pas mis en application la science. Et les Nasara ont pratiqué sans science. La corruption qu'il y a dans ce sujet, la droiture, est soit en imitation des Yahoud, et soit en ce qu'une personne est de la science, mais ne la met pas en pratique, ou en imitation des Nasara, et soit en ce qu'elle pratique sans science ni clairvoyance. Et puis il rapporte une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وَقَدْ سَمَّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ Ibn Taymiyyah كِتَابَهُ اِقْتِدَاءَ سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مُخَالَفَةَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَأَشَارَ فِي رَحِمَهُ إِلَى بَعْضِ أُمُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّتِي ابْتُلِيَتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ ليجتنب المسلم الانحراف عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم او الضالين. واورد قول الله سبحانه: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين الى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع وعمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقة، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. انظر اقتداء صراط المستقيم المجلد الأول الصفحة 83 أو 80. شيخ الإسلام ابن تيمية il a appelé l'un de ses livres, il a donné comme titre un de ses livres اقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, c'est-à-dire l'exigence du droit chemin, du droit chemin droit, est d'être différent des gens de l'enfer. Pas d'imiter, d'être différent. Il y a indiqué certaines choses des gens du livre par lesquelles cette communauté a été éprouvée. Et ce, afin que le musulman s'écarte de la déviance qu'il écarte du droit chemin. Et l'amène vers le chemin de ceux qui ont couru sa colère ou des égarés. Et il y a cité la parole d'Allah, dont la traduction du sens est: nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Surat al-Baqarah verset 109. Il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est-à-dire Allah, a blâmé les Yahoud pour ce qu'ils ont eu comme jalousie envers les croyants au sujet de la guidance et de la science. Et certains parmi ceux qui s'affilient à la science et d'autres ont été éprouvés par un genre de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers une science bénéfique ou une action pieuse. Et c'est un comportement condamnable, et ce de manière inconditionnée, et cela fait partie à ce sujet des comportements de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Voir Iqtida' Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, volume 1, page 83. وأخذ يذكر رحمه الله أمثلة عديدة من الأمور التي هي من أعمال اليهود أو أعمال النصارى وقد يتشبه بهم فيها بعض المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه. Il a ensuite cité, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, un certain nombre d'exemples de choses qui font partie des actions des Yahoud et des Nasara, et il se peut que certains musulmans les imitent en cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédé, en pan par en pan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils entraient dans le trou d'un dab, on a dit c'était quoi, un neuromastique, c'était un genre de lézard. Hein, quand vous connaissez ce genre de lézard, dans le désert, ils ont des petits trous hein, où ils rentrent vite. Ils disent: s'ils entraient dans le trou, eh bien vous les y suivriez. Rapporté par le Bukhari, numéro 7320 et Muslim 2669, d'après le hadith d'Abu Saïd al-Khudri Karalagré. Et maintenant, en guise de clôture de ce dars et même de cette conférence, on va dire Al-Khatima, Akhtimu bi kalimatin, Jamilatin, Matinatin, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Rahimahullah ta'ala. Yaqul ibn al-Qayyim, Rahimahullah, Sami'atu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Rahimahullah. يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. ولهذا يقول ابن القيم نقلا عن بعض أهل العلم قال: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. En guise de clôture, Cheikh, il dit: je finis par cette belle et forte parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: j'ai entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dire: La plus grande dignité est l'attachement à la droiture. Voir Madaris Salikin, volume 2, page 105. Et cher l'islam, le Taymi, il a dit dans son livre, le discernement entre l'Awliya Rahman, Al-Furqan bain Awliya Rahman ou Awliya Shaitan, page 349, le summum de la dignité n'est que l'attachement à la droiture. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim il a dit, rapportant la parole de certains parmi les gens de science, sois parmi les gens de la droiture et ne sois pas quelqu'un qui demande la dignité, car ton âme bouge dans la recherche de la dignité alors qu'Allah exige de toi la droiture. Voir Madaris Salikin, volume 2, page 105. Et Cheikh explique cela. Il dit, بمعنى أن العبد ينبغي عليه أن يكون دوما وأبدا مجاهدا لنفسه في أن يلزم صراط الله المستقيم وأن يحافظ على طاعته تبارك وتعالى وأن يجاهد نفسه على ذلك لينال أعظم الفوز وأكبر الغنيمة وهو قول ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وبقوله جل وعز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Cheikh dit, le sens de cela est qu'il incombe au serviteur de toujours et constamment lutter contre son âme afin qu'elle s'attache au droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et à préserver son obéissance à Allah et de lutter contre son âme et en cela afin qu'il obtienne le plus grand succès et le plus grand butin. Et c'est la parole de notre Seigneur dont la traduction du sens est « Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis. » qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Sourate Fussilat, verset 30 à 32. Et sa parole dans la traduction du sens est « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », qui se tiennent ensuite sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. » en récompense de ce qu'il faisait. Sourate Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Et Cheikh dit, وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا أَنْ يَكْتُبَ لَنَا جَمِيعًا الثَّبَاتَ وَالْهِدَايَةَ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَنْ يُعِيدَنَا مِنْ سَبِيلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَسَبِيلِ الضَّالِّينَ وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et Cheikh dit, et je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône sublime, par ses beaux noms et ses attributs parfaits, de nous donner à tous l'affermissement et la guidance vers son droit chemin, et qu'il nous préserve de la voie de ceux qui ont encouru sa colère et la voie des égarés, et qu'il réforme toute notre situation, et qu'il nous réforme dans notre religion, qui est la protection de notre affaire, et de nous réformer la vie dans ce bas monde où nous vivons, et de nous réformer notre vie dans l'au-delà où nous serons ressuscités, et qu'il fasse que la vie soit pour nous une augmentation de tous les biens, et que la mort soit pour nous un repos de tous les maux. Et on va terminer là-dessus. Et je vous remercie pour votre accueil dans cette conférence. Allez, ça m'a fait plaisir de voir tous ces frères qui s'accrochent à la sunna. Je vous remercie beaucoup. Jazakumullahu khairan. Et je vous remercie aussi pour votre bon soupçon envers moi. Accrochez-vous à la sunna, accrochez-vous aux ulama, accrochez-vous aux livres des gens de la sunna. Étudiez Sharh Sunna de l'imam Barbahari, étudiez Usul Sunna de l'imam Ahmed, étudiez Kitab Sharia de l'Ajurri, étudiez tous ces livres-là, accrochez-vous aux livres d'Allah Azza wa Jal, accrochez-vous aux livres de la sunna, Al-Bukhari, Muslim, et tous ces livres-là des gens de la sunna, hein? Et surtout les livres de l'Aqida, où les gens de la sunna, ils ont détaillé la croyance et la méthodologie des gens de la sunna, et ne vous divisez pas, hein? Et accrochez-vous jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur et qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de vous. سبحانه وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني لا سي كوا اكزاكتومون السيمين بروشين à partir de donc samedi et dimanche samedi dimanche lundi une petite annonce qu'on m'a demandé de faire c'est que la semaine prochaine alhamdoulillah encore une autre conférence mais avec quelqu'un de différent et c'est Cheikh Abdel Hadi hein, qui va donner des cours le samedi, le dimanche et le lundi, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui est prévu pour la traduction? Donc, il y a un frère qui va traduire pour le cheikh qui sera ici, hein, Inch'Allah, samedi, dimanche et lundi. Vous pourrez sûrement poser des questions, etc. au cheikh, Inch'Allah. Et la semaine encore d'après, directement, donc, c'est Ammar qui étudie à l'université de Médine, qui est diplômé de l'université de Médine. C'est Ammar, un frère que je connais personnellement, hein, qui est très proche des ulama de la Sunna. Et aussi Suleyman Haïti, qui a aussi étudié à l'université de Médine certaines années et qui est prêcheur et imam au Canada. Et donc, ces deux frères francophones, hein, qui vont venir donc dans 2 semaines pour faire des conférences aussi en français. Là. Les horaires, tu as un détail déjà maintenant? Par rapport à Cheikh Abdel Hadi, les cours commenceront à partir de après Dhuhr, après l'Asr, après le Maghrib. Donc Il y pour aura Cheikh Abdel Hadi, possibilité ce de. sera Dhuhr, Asr et Maghrib. Voilà. Samedi, dimanche, lundi, Inch'Allah. Et il y aura possibilité de poser des questions, Inch'Allah. Et pour les autres, les Les horaires? autres, on n'a pas encore de détails. Mais garde un contact avec les frères de la Ce sera mosquée, plus ou moins etc. comme Et... les dernières, plus ou moins. Ça va? Wa jazakum Allah khairan. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Al-salam pour Walid de Nice. جزاك الله خيرك على السلام. Il était éteint le micro, non? Non, il se met en rouge, mais tu t'entends quand même. Ah ouais? Ça, il est allé, ça commence à rester la station. La pile, elle commence à. Ah. Non, mais attendez, le marché fonctionnait. SPFBirmingham.com. Il est un peu sous maintenance, apparemment les frères sont en train de faire un nouveau site, mais il sera disponible dans quelques jours, Inch'Allah. Barakallah, barakallah. Tiens, je vais t'offrir juste un truc. Barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakallah, barakall